Essai. L'exécutoire. Nos âmes ont ouvert leur tiroir, sans vouloir vous émouvoir, juste pour s'en servir d'abreuvoir. Marre de toujours faire devoir, fermant nos cœurs, s'interdisant de voir, en arrêtant d'écouter les bien-pensants, ceux qui savent, alors qu'ils n'aimeront jamais, laissant sur le bas-côté les vilains et leur rancœur. Notre vie n'est pas la leur, en s'aimant comme de folles amants. Ne pas éteindre nos sentiments, faute de ne pas être parfait. À l'amour, à la douceur d'aimer, offrant notre cœur, ouvrant les vannes de l'espoir bonheur. Pour le pouvoir, s'il suffisait d'y croire, faisant de notre nid noir la plus folle des histoires. À nos deux corps dans l'espace plaisir, nos âmes enfin retrouvées, nos rires, larmes d'émotion de notre devenir, faire de notre rêve une réalité. Alors que tu te dis presque vieillard, toi qui as l'esprit d'un fier renard, passionné tel un fiéfé gaillard, de mon corps brûlant, sois le pillard. Pour prendre le pouvoir, s'il suffisait d'y croire, faisant de notre nuit noire la plus folle des histoires. À notre amour délicieux nectar, voguant au creux d'un dracard, frôlant les côtes de mon Irlande, ne vivant que de jouissances gourmandes, à nos baisers, dont je suis si friande, regarde mes lèvres en demande, nos torrides orgasmes qu'émandent, se foutant bien des amandes. Pour prendre le pouvoir, s'il suffisait d'y croire, faisant de notre nuit noire la plus folle des histoires. Sans demander la gloire, laissons-nous vivre cette victoire. Faut pas nous en vouloir, c'était écrit à l'encre noire. Excusez-nous de vous décevoir, acceptez que nous soyons des vénards, car avant qu'il ne soit trop tard, avec l'amour,